Section 16 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 16. Croquis de janvier par Gustave Geffroy. Chapitre 1. Le jour de l'an. La voilà encore une fois passée, cette journée extraordinaire, retour périodique d'une maladie qui communique à tous une fièvre spéciale. Il en a été cette année comme des années précédentes, ni plus ni moins. Le 1er janvier a été fêté solennellement, dévotieusement, comme les catholiques fêtent Pâques et Noël. C'est un spectacle singulier que celui que nous donnons là et dont il est assez difficile de trouver sa raison d'être. Non pas qu'on ne puisse lire dans les encyclopédies et les dictionnaires force détails intéressants sur la mode des étrennes et la façon de se saluer au début de l'année qui était de mise chez les Romains et chez les Gaulois, ou bien au XIIe siècle et au XVIIe siècle. Mais ce qui constituerait un joli travail, incommode à mener à bonne fin, ce serait de rechercher à quels mobiles ont obéi les premiers qui se sont abordés en échangeant, en latin ou en celte, cette phrase fatidique qui s'est conservée jusqu'à nous et que nous léguerons au siècle futur. Je vous la souhaite bonne et heureuse. Puis il faudrait, continuant cette étude à travers les âges, voir comment cette formalité puérile et honnête, s'adjoignant chaque année à un détail d'aspect futile, mais gros des conséquences, est devenue, par une cristallisation progressive, l'habitude énorme, inébranlable, avec laquelle nous ne discutons même plus. Vers le mois d'octobre, si quelqu'un vient à parler du 1er janvier et de ses obligations, il y a bien quelques faux rebelles qui annoncent à grand fracas qu'ils rompent décidément avec la coutume, qu'ils foulent le préjugé aux pieds. « Moi, cette fois, dit l'un, je ne donne que les indispensables étrennes à mon concierge. Moi, dit l'autre, je n'envoie pas une carte de visite. Je ne répondrai même pas à ceux qui auront l'idée grotesque de m'envoyer un rectangle de bistrol portant leur nom. C'est trop ridicule à la fin. » Les sceptiques sourient et ne disent rien. Les sceptiques ont raison de sourire. Les résolutions les plus farouches ne tardent pas à faiblir, à chanceler, à succomber. Dès le 15 décembre, ceux qui ont annoncé les déterminations les plus viriles, comme ceux qui n'ont rien dit, songent aux étrennes. Ils commencent à regarder du coin de l'œil les vitrines des confiseurs, à faire des tournées dans les grands magasins. Ils ont des conciliabules avec les graveurs. Leurs commandes descendent de cartes, viennent à plusieurs reprises harceler le fabricant qui ne peut suffire aux livraisons. Le 31 décembre, ils fouillent encore les boutiques. Et le lendemain, toute la journée, traînant leur famille après eux, ne pouvant suffire à porter les grappes de paquets qui grossissent sans cesse entre leurs bras, attendant les omnibus au carrefour, cahotés par les fiacres, ils courent la ville d'une extrémité à l'autre, de Belleville à Vaugirard, de Béret au point du jour. Ils s'arrêtent 10 minutes dans un salon pour dire deux phrases, ou entrent chez les concierges, et partout laissent du chocolat praliné, des fondants, des marrons glacés, des bouquets. On sait que ce n'est qu'un prêté pour un rendu, et que tout cela reviendra au donateur, sous une autre forme ou sous la même. Qu'importe, on recommence tout de même, imperturbablement, l'année suivante. Supposez un pays où cette coutume de souhait du nouvel an n'existe pas, une population naïve, vivant tranquillement, sans se douter qu'il peut exister des abus de civilisation. Supposez aussi que tout à coup, un tyran tombe au milieu de ces gens paisibles, comme le Soliveau de la fable, et que cet être féroce, méprisant tout atermoiement, ignorant toute pitié, enjoigne à ses sujets de consacrer un jour par an à mettre des cartes sous enveloppe, à acheter des fondants et des marrons glacés et à les distribuer, en énonçant chaque fois la même formule fatidique. Ah, mes amis, quelle construction de barricades, hautes comme des maisons de 6 étages! Quelle fusillade! Quelle Marseillaise farouche accueillerait le décret du despote! Lecteurs, nous vous souhaitons une bonne année. Fin de la section 16, lue par Margot.